7 ou 8 heures? Et vous, combien d'heures dormez-vous chaque nuit? La question est d'importance car le sommeil pourrait faciliter les capacités d'apprentissage et influer sur la préservation des souvenirs. Ce qui empêche l'astrophysicien Joseph Silk de dormir, lui, c'est la face cachée de la Lune. Il rêve d'y voir installer un radiotélescope pour étudier rien de moins que les âges sombres de l'univers. Enfin, si l'intelligence artificielle vous donne des cauchemars, vous allez être servi, puisque les IA font de plus en plus d'étincelles pour gagner à des jeux comme les échecs et en apprenant toute seule. La mémoire dans le dodo, un radiotélescope sur la face cassée de la Lune et l'intelligence artificielle joueuse, voilà donc les sujets que nous aborderons dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Alors pour débattre de ces sujets, le temps de cette nouvelle table ronde de l'actualité, nous sommes ravis d'accueillir ces défricheurs de l'actualité scientifique, des publications des chercheurs que sont nos trois invités. Alors Cécile Lestienne, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors Cécile, vous êtes directrice de la rédaction du magazine Pour la Science. Sylvain Guilbeault, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine La Recherche. David Louapre, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de la chaîne YouTube et du blog Science Étonnante. Comme tous les jours, la méthode scientifique est à écouter en direct sur les ondes de France Culture. Vous pourrez retrouver l'émission en replay sur le site web franceculture.fr. Il y a toujours l'option des podcasts. Et nous sommes... Pour les brancher aux réseaux sociaux, nous sommes sur Twitter à l'adresse @laméthodefc. Nous publierons tout au long de l'heure qui vient des liens complémentaires pour illustrer la conversation que nous allons avoir. Mais avant de discuter de ces sujets d'actualité relevés par nos trois invités, voici celle qui, le jour, passe au crible l'information scientifique et qui, la nuit, rêve de sa revue de presse. C'est Natacha Triou et son journal des sciences. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour Natacha. Le journal des sciences. Le premier sujet de ce journal, la revue Nature nous rapporte les succès d'une xénogreffe. Après l'implantation d'un cœur de cochon, des babouins ont survécu avec ce nouvel organe pendant plus de 6 mois. Une demi-année, hein, ce sont des résultats jamais atteints. La xénogreffe, c'est un domaine de recherche qui n'est pas nouveau, mais depuis 20 ans, les progrès sont assez minces. Alors pour parvenir à ces résultats, c'est tout le processus de la xénogreffe qui a été revisité. Les scientifiques ont optimisé chacune des étapes essentielles à la greffe, il y en a 4. Première étape fondamentale, la modification génétique des cochons donneurs. Les chercheurs ont rendu le cœur du donneur, le cochon en l'occurrence, le plus identique possible à celui du receveur pour qu'il ne le reconnaisse plus comme un organe étranger. Pour que la réaction immunitaire soit la plus faible possible, c'est la difficulté majeure d'une xénogreffe. Alors comment rendre le cœur des cochons plus compatible avec l'organisme des babouins? Bruno Richard est chirurgien cardiaque et co-auteur de cette étude. Au cours de l'évolution, nous avons développé des anticorps contre des antigènes que nous n'avons pas. Des antigènes qu'on trouve justement chez le porc. On les appelle des cellules anticorps naturelles. Donc il faut retirer ces antigènes chez le porc. Ça n'en fait pas un porc plus humain, entre guillemets, c'est juste un porc dépourvu de ces antigènes. Et il y a bien d'autres antigènes contre lesquels nous avons développé des anticorps. Il faut donc tous les retirer du porc. Il y a aussi un gène qu'on introduit pour atténuer le risque de rejet de greffe. La protéine porcine ne permet pas d'empêcher la coagulation dans les capillaires sanguins. Donc il faut exprimer la contrepartie humaine qui est la même pour tous les primates, les babouins y compris. Voilà la raison pour laquelle on utilise ce genre de modèle avant un test de ces organes chez l'humain. En tous les cas, la coagulation est désormais supprimée. Donc après cela, hein, pour ces cochons et pour ces babouins, troisième étape, le prélèvement de l'organe. Ça aussi, ça a été optimisé. Les scientifiques ont élaboré un nouveau type de conservation du cœur pour le prélever puis l'implanter. La perfusion en continu du cœur. Ensuite, les babouins receveurs ont suivi un lourd traitement immunosuppresseur, mais aussi un traitement anti-hypertenseur pour adapter les pressions sanguines. Les singes ont une pression artérielle plus élevée que les cochons. Alors ce sont des résultats très prometteurs. Dans leur conclusion, les auteurs de l'étude écrivent que l'on pourrait imaginer faire une première étude clinique. On s'approche donc de la xénogreffe humaine. Cela soulève évidemment la problématique de la pénurie de donneurs. Et toute question éthique laissée de côté, on peut se demander quelles sont les dernières barrières médicales pour une xénogreffe humaine. Christophe Huber est chef de la division de chirurgie cardiaque et vasculaire de l'hôpital universitaire de Genève. Vu qu'au moment où l'organe est mis en place, l'organe du receveur a été réséqué pour être remplacé par une xénogreffe, la question qui se pose par la suite, s'il y a dysfonctionnement de la xénogreffe, de quelle manière on pourra implanter une assistance cardiaque pour refaire un pont jusqu'à l'obtention d'un nouvel organe. Et puis, la condition de l'hypertension artérielle, la tension artérielle humaine correspond à une hypertension artérielle dans le porcin. C'est-à-dire qu'il faudra créer des cochons qui auront déjà une hypertension intrinsèque pour que leur pression artérielle corresponde à l'être humain pour pouvoir faire ce transfert dans une condition la plus égale entre les deux espèces. Finalement, les anticorps, alors le traitement génétique, je pense que ça, on va certainement dans les prochaines années arriver à imiter les antigènes sur la surface des cellules pour qu'elles se rapprochent le plus possible de l'être humain. Là, je vois pas de facteur limitant. Et puis, les techniques de transplantation et de préservation d'organes, là aussi, je pense que ce facteur limitant sera franchi très rapidement. Alors je pense qu'on est certainement trop tôt pour aller vers des expériences cliniques, vu les résultats, mais néanmoins les résultats restent très prometteurs. En bref, nous en parlions dans ce journal en octobre dernier, l'affaire des bébés sans bras se poursuit. 8 nouveaux cas dans le Morbihan s'ajoutent à l'enquête. Depuis que le centre épidémiologique, la REMERA, a lancé l'alerte, une enquête nationale a été lancée par l'Agence Santé Publique France en octobre dernier. Dans 3 départements ruraux, en Loire-Atlantique, en Bretagne et dans l'Ain, on note une fréquence anormalement élevée de ces malformations de naissance. Alors on ne sait pas quelles en sont les causes, elles ne sont pas génétiques, elles ne sont pas dues non plus à une prise de médicaments ou à des drogues. La piste environnementale n'est pas exclue, des recherches plus larges doivent être menées. Le deuxième sujet de ce journal, on poursuit avec la COP24 à Katowice en Pologne. Elle devait se clôturer ce soir, mais elle risque de déborder sur le week-end. Oui, depuis mercredi, les négociateurs ne dorment plus et la situation est confuse. L'enjeu de cette COP24 est de préciser les règles d'application de l'accord de Paris de 2015, à savoir comment contenir le réchauffement planétaire en dessous de 2 degrés. À l'heure actuelle, le monde va plutôt à une hausse des températures à 3 degrés centigrades, voire à 4. En ce moment, en Pologne, il y a un débat autour du GIEC, le rapport sur les conséquences désastreuses d'un réchauffement supérieur à 1,5 degré. La Russie, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et le Koweït refusent d'accueillir favorablement ce rapport. Le consensus sur un texte final est ralenti, mais les négociations plus techniques autour du rulebooks aboutissent. Loïc Chauveau est journaliste pour Science et Avenir et envoyé spécial à la COP24. Le deuxième point de cette COP24, c'est ce que les négociateurs appellent le rulebook, qui est en fait la boîte à outils de l'accord de Paris. Si je prends une comparaison, l'accord de Paris, c'est la loi, et pour la faire appliquer, cette loi, il faut des décrets. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a déjà beaucoup de points d'accord. Par exemple, des techniques de mesure des émissions. Mesurer les émissions d'un territoire, d'un pays, c'est compliqué. Il faut des capteurs, il faut avoir des statistiques pour savoir, par exemple, combien de voitures, combien de camions roulent sur le territoire et par conséquent, 2 tonnes de CO2 émises. Ça, les pays du Sud, ils n'ont pas toute cette technologie. Et donc là, par exemple, on a un accord qui fait qu'on a, pour les pays qui ont le moins de technicité, ils vont à la fois avoir bénéficié de transferts de technologies et de capacités, et également de flexibilité. Sur la boîte à outils, sur les questions de transparence aussi, de reporting, on sait que tous les 5 ans, les États devront émettre un rapport pour dire voilà ce que j'ai fait pendant 5 ans et voilà les résultats que j'ai eus. Si on compare à 10 ans l'échec de Copenhague en 2009, Là, 10 ans plus tard, on peut dire qu'on est dans le concret. Après, quel va être le degré de technicité, de sérieux, d'approfondissement de ce rulebook? Pour l'instant, on peut pas encore le dire. Ça va se décider dans les 24 heures. Mais personne ici ne doute qu'il va sortir quelque chose. En bref, la sonde de la NASA OSIRIS-REx a atteint l'orbite de l'astéroïde Bennu la semaine dernière. La sonde vient d'y découvrir des traces d'eau. Les deux spectromètres de la sonde ont capté la présence de minéraux hydratés dans les profondeurs de l'astéroïde. Pour la NASA, c'est une immense surprise, elle ne s'attendait pas à une telle quantité. Les astrophysiciens pensent même que l'astéroïde parent dont Bennu est issu devait contenir de l'eau liquide. L'un des objectifs de la mission OSIRIS-REx est de mieux comprendre le rôle des astéroïdes dans l'apparition de la vie sur Terre. Un échantillonnage de son sol est prévu pour ces prochaines semaines. Il s'annonce déjà comme une mine précieuse d'informations. Le 26 novembre, la sonde InSight de la NASA a atterri sur Mars. Et nous recevons déjà ses premières données. Des photos de paysages, mais surtout pour la première fois, ses premiers sons. Grâce au sismomètre et grâce aux enregistrements d'infrasons par microbarométrie, nous avons des enregistrements de l'atmosphère martienne, le son du vent de Mars. Tendez l'oreille, c'est assez discret. Voilà, les sons qu'on entend là ont été adaptés pour l'oreille humaine, mais on se rend bien compte que l'ambiance sonore est assez différente que celle sur Terre. Les conditions atmosphériques rendent difficile la diffusion acoustique. Ces données sont importantes parce qu'on peut dorénavant enlever le bruit du vent pour optimiser les mesures sismiques. C'est la mission du sismographe CEIS embarqué à bord. Et très prochainement, avec le rover Mars 2020 et son Mars microphone, on pourra écouter les tremblements de terre de la planète rouge. Et pour finir, comme d'habitude, la rubrique d'improbablologie cette semaine dans le Medical Journal of Australia. Des chercheurs s'interrogent sur la consommation d'alcool. De qui? De l'agent 007. Oui, le corps médical est catégorique. James Bond est sévèrement alcoolique. Alors, en 2013 déjà, une étude britannique s'inquiétait de son addiction toujours plus croissante dans la saga. Alors là, pour ce diagnostic, les docteurs néo-zélandais ont visionné l'intégralité des 24 films. Ils ont compté. James Bond boit en moyenne 4,5 verres dans chaque film. Les médecins ont ensuite appliqué les critères du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5. Et sur les 11 critères d'addiction à l'alcool, l'espion en remplit 6. Alors par exemple, le critère la grande tolérance à l'alcool, on peut penser à sa conduite en état d'ivresse. En tout cas, leur bilan médical est clair. À ce stade, l'agent 007 frôle la cirrhose. Mais c'est une bien belle étude, hein. Ça m'en évoque d'autres. Hein. Il y avait eu un travail sur l'alcoolisme du capitaine Haddock, hein, Natacha, et une autre sur les traumatismes crâniens dans Astérix. Parmi tous les sujets de Natacha, il y en a forcément qui appellent en vous des réactions. Cécile, cette histoire de xénogreffe, c'est extraordinaire, c'est effrayant, un petit peu des deux peut-être. Hein. Oui, c'est intéressant. Je me souviens que ça fait plusieurs années, peut-être même plus de 20 ans qu'on parle de xénogreffe. Et déjà, on parlait effectivement du porc comme un animal privilégié pour des raisons anatomiques, de proximité génétique, même si on voit bien que c'est pas parfait et qu'il y a plein de choses à faire. Après, évidemment, culturellement, ça va poser quelques problèmes dans certaines populations, évidemment. Oui, la question éthique, là, est prégnante. Absolument. Et puis, probablement que les humains vont trouver moins difficile d'accepter un cœur de singe qu'un cœur de... Pardon. Justement, plus facile d'accepter un cœur de cochon qu'un cœur de singe, parce que le singe, voilà. Mais dans certaines populations pratiquantes, musulmanes ou juives, évidemment, ça va poser beaucoup de problèmes. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Je crois qu'on avait pensé au mouton, mais le mouton, ça marche moins bien pour des questions de taille. David Louapre, décidément, le cochon a l'air d'être un animal qui est terriblement proche de nous. Oui, alors en fait ce qui est fascinant et je pense qui est aussi intéressant, c'est que au-delà du cas du cochon, en fait, il y a besoin de recherche fondamentale pour être capable de traiter tous ces phénomènes de rejet par des anticorps. Et je pense qu'avec des travaux de recherche comme ceux-là, on apprend aussi des choses qui vont nous être utiles pour les greffes dont on a l'habitude, hein, les allogreffes, du coup, quand on reçoit une greffe d'un donneur qui est autre mais qui est humain. Et voilà, je pense que au-delà du cas spécifique de la greffe d'un organe venant du cochon, c'est aussi des découvertes qui vont servir dans d'autres domaines. Sylvain Guibaud, on sait que en parallèle, il y a des travaux comme ceux de Carmat qui, eux, visent à utiliser des dispositifs complètement artificiels. C'est ça, pour remplacer un cœur, et même chez l'homme, du coup, faire greffer un cœur artificiel chez l'homme. Il y a effectivement déjà eu des implantations qui ont été faites par cette société Carmat en France. Voilà, les résultats... ont été assez mitigés, ils ont été aussi assez controversés, mais les travaux continuent dans ce sens-là. Et, bon, c'est une source d'espoir pour tous ces patients qui souffrent d'insuffisance sévère. Alors, un autre sujet, peut-être Insight, c'est quand même assez miraculeux d'entendre ici, sur Terre, sur France Culture, le bruit du vent sur Mars, David Loapre. Oui, bah c'est toujours fascinant. Alors, je crois qu'il faut prendre ça aussi avec une dose de poésie, dans le sens où on disait le spectre audio est adapté. C'est donc voilà, c'est important de le préciser. Si on était sur Mars, voilà, c'est pas ça qu'on n'entendrait pas. mais c'est toujours fascinant de voir qu'on arrive à ramener de Mars autre chose que juste des images. Et alors là, en l'occurrence, on va être capable de capter des vibrations, des choses qui vont nous apprendre des choses sur la structure interne. Et donc voilà, c'est toujours une évocation poétique de parler du vent et du son, etc. Mais voilà, il faut aussi garder en tête que c'est pas exactement ce qu'on ressentirait si on était sur place. Sylvain Guibaud, on est quand même étonné par la rapidité d'acquisition des données et de leur restitution. Dans le cas de Mars, comme dans celui d'Osiris Rex, où on commence déjà à voir qu'il y a de l'eau. Oui, mais là, c'est vrai que dans les deux cas, on est vraiment dans des résultats très préliminaires. InSight est arrivé seulement le 23 novembre sur Mars. Là, c'est vraiment peut-être un... Je ne sais pas si c'était attendu, mais c'est un peu un coup de chance qu'ils mesurent directement ce bruit du vent dans les panneaux solaires de la sonde, qui en fait se répercute dans un des instruments, donc un sismomètre qui n'est même pas encore déployé, puisque le but qui va se passer dans ces prochaines semaines et au début de l'année 2019, c'est que la sonde va déployer un bras robotique qui va prendre le petit sismomètre qui est posé actuellement sur la sonde, le prendre et le déposer sur le sol de Mars, le recouvrir d'une protection justement pour atténuer l'effet de ce vent martien. Et c'est là que vraiment la vraie science pour laquelle a été construite InSight pendant plus de 20 ans va commencer, c'est-à-dire vraiment essayer de détecter un tremblement de Mars, ces vibrations qui, comme sur Terre, créent des séismes. Et l'idée, c'est grâce à ces séismes, de connaître enfin la structure profonde de la planète rouge. Une dernière réaction, Cécile, peut-être sur le sujet de la COP24, sujet extrêmement important comme on le sait, mais on a l'impression qu'en ce moment, il y a un bruit de fond tel que ça n'est plus audible. Oh oui, enfin, j'ai l'habitude d'être assez déprimante à ce micro, mais là, si vous me tendez la perche, Olivier, ça va être compliqué. Non, c'est vrai que je pense que tout ça continue à avancer quand même, et c'est bien, c'est ça qu'il faut voir. Mais sinon, effectivement, je pense que la situation n'est pas à la hauteur du défi. En 1932, dans le fameux Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, un garçon mémorise chaque mot d'un discours en anglais alors qu'il ne connaît pas du tout cette langue. Ça se passe à un moment, ça se passe quand l'enfant dort à côté d'une radio allumée qui transmet le discours. Aujourd'hui, ce scénario demeure une fiction, mais des expériences montrent qu'il est possible de manipuler les souvenirs d'un individu plongé dans un sommeil profond. C'est un sujet, Cécile Lestienne, que vous traitez dans le dernier numéro de Pour la Science. Absolument. On est revenu sur un sujet qui fait fantasmer, je pense, les gens et les chercheurs depuis très longtemps. Est-ce qu'on peut apprendre en dormant? Vous avez peut-être en tête ces images qu'on voit dans la vieille revue du 19e, où on voit des gens avec des casques qui apprennent toute leur table de multiplication en dormant. Oui, parce qu'on peut dire tout de suite que c'est une vieille histoire. Dans le papier, il est fait référence à des produits qui étaient vendus. Il y en a un qui a un nom croquignolé. Voilà, Psychophone, 1927. C'est le début d'une longue série. D'un New Yorkais qui s'appelait Aloïs Salinger, et qui était une machine à suggestion automatique à départ différé. Voilà, et que vous pouvez faire marcher pendant la nuit pour, soi-disant, apprendre des tas de choses. Mais c'est vrai que c'est un fantasme, mais c'est vrai aussi que c'est un vrai sujet de recherche, voilà, et qui, sur lequel les chercheurs se sont penchés depuis des années, avec des résultats pas toujours évident et assez souvent contestable, mais pourtant ça n'est pas un sujet de recherche abandonné, parce que là, très récemment, ces dernières années, il y a des nouvelles recherches qui ont montré qu'effectivement on pouvait au moins renforcer les souvenirs. On sait relativement bien que bien dormir aide à mieux se souvenir des choses qu'on a apprises la veille, mais au-delà de ça, on peut, par certaines méthodes, effectivement renforcer les souvenirs pendant le sommeil. Alors, quelles sont-elles, ces méthodes? C'est la TMR, la Targeted Memory Reactivation, voilà, ouais. En anglais évidemment, où on utilise en général des sons ou des odeurs pour réactiver les souvenirs. Par exemple, comment ça se passe? Eh bien, on vous demande d'apprendre la localisation de certains objets. Pendant que vous apprenez la localisation de ces objets, on vous fait sentir des odeurs ou on vous fait écouter des sons. Ça marche relativement bien. Et par exemple, vous apprenez que sur votre écran d'ordinateur, il y a un chat en haut à droite, une théière en bas à gauche, une locomotive au milieu, enfin ce genre de choses. Et pendant que vous apprenez ça, on vous fait écouter le miaulement du chat, le sifflement de la théière, le tchou-tchou de la locomotive. Et ensuite, quand vous dormez, alors on vérifie que vous dormez vraiment avec tout un système de EEG et que vous ne faites pas semblant de dormir. Voilà, on vous fait réécouter les sons associés aux objets. Et après, on reteste derrière et on s'aperçoit que, en général, les volontaires, parce que ce sont des volontaires qui font ce genre d'exercice, effectivement, retiennent mieux les objets dans lesquels, dont on a redonné le son pendant le sommeil. C'est-à-dire, si on vous a fait écouter le miaulement et le sifflement, vous vous souvenez mieux de où était la théière et où était le chat, mais si on vous a pas fait écouter le chouchou de la locomotive, vous avez oublié. Enfin, vous vous souvenez moins bien. Il y a des expériences comme ça qui utilisent des sons, il y en a d'autres qui utilisent des odeurs. Oui, on fait ça aussi avec des odeurs de rose, des odeurs de... Donc voilà, et ça marche plutôt bien, et on s'aperçoit qu'au-delà de... Parce que ça paraît peut-être pas tout à fait utile de savoir si le chat est en haut à droite, qu'on parvient aussi à améliorer la mémorisation de mélodies au piano, de nouveaux mots de vocabulaire, même de règles grammaticales, et même aussi de la modification de la perception de son propre corps, ce qui peut avoir une utilité pour les gens qui ont eu des accidents, qui sont en rééducation. Voilà. Et oui. Pendant la rééducation, on leur fait entendre certains sons, et si on leur fait écouter pendant le sommeil, ça s'améliore plus vite. Oui, ce que vous dites dans ce papier pour la science, c'est que les chercheurs estiment que ça pourrait notamment permettre de remonter la pente après un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ce genre de choses, un autre type d'accident, vous êtes à moitié paralysé, et ça permet d'activer et donc d'accélérer votre rétablissement. Est-ce que ça fonctionne avec toutes les phases du sommeil ou il faut travailler à certains moments particuliers? Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que c'était plutôt pendant le sommeil paradoxal, pendant justement le sommeil du rêve. Mais on s'aperçoit que visiblement non, ça marcherait plutôt mieux pendant le sommeil profond. Voilà. Et justement, par des techniques d'imagerie, ils ont pu le voir effectivement quelle région du cerveau s'activait entre le cortex, le thalamus et l'hippocampe notamment, qui sont très liés au processus de mémorisation. Et on s'aperçoit qu'il y a une espèce de coordination des ondes qui est améliorée, accélérée par l'écoute de ces sons. Mais alors ça, c'est pour améliorer des choses que vous avez déjà apprises. C'est pas implanter de nouveaux souvenirs. Bon, là, on parle de vrais souvenirs. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut C'est une fort bonne question et je me proposais de vous la poser. Donc allez-y. D'accord. Oui, alors il y a des techniques aussi. C'est de l'hypnopédie. Et par exemple, ce qu'on arrive à faire, c'est que si on prend des volontaires c'est une étude américaine qui a été faite, qui ont envie d'arrêter de fumer, parce que peut-être que ça biaise l'expérimentation, mais je crois qu'aussi ce n'est pas éthique d'obliger les gens à arrêter de fumer s'ils n'en ont pas envie. Donc, on leur fait sentir pendant leur sommeil, ils ne le savent pas, les odeurs de cigarettes associées à des odeurs de poisson pourri. Et ça marche, visiblement, parce que par rapport au groupe témoin, effectivement, les personnes qui ont associé les deux types d'odeurs fument 30% de cigarettes en moins pendant les jours suivants. Alors, est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça? Ça paraît pas très facile. Une autre étude d'un chercheur français, Garim Benchanan, à l'ESPCI, récemment, a réussi à implanter des faux souvenirs chez des souris. C'est une manip un petit peu compliquée, mais chez les souris, quand elles explorent des lieux nouveaux, il y a des neurones de lieu qui s'activent. Et ces neurones de lieu se réactivent pendant le sommeil. Et par une manip, ils ont manipulé ça et ils se sont aperçus qu'ils arrivaient à implanter des faux souvenirs parce que les souris allaient voir, allaient voir des lieux qu'elles n'avaient encore jamais explorés après cette manipulation. Alors, là, on est, je crois, dans l'optogénétique, c'est-à-dire que ce sont des neurones qui sont activés par certains types de rayonnement. Mais est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça? Il semble que non. Je, pour l'instant en tout cas, apprendre une nouvelle langue sans faire d'efforts conscients, apprendre ces tables de multiplication, ou même ancrer un souvenir très précis d'un spectacle d'opéra ou de votre prochaine fête de réveillon, ça ne semble pas possible. peut-être justement parce que le cerveau, pendant le sommeil, a besoin de se protéger aussi et de pas être comme ça influencé par des signaux extérieurs, parce qu'on a besoin de dormir. Alors si on ne dort pas, ça... C'est aussi une question voilà. qui est abordée dans Pour la science, où vous êtes décidément très branché sommeil ce mois-ci. Oui, deux articles ce mois-ci sur le sommeil. Et vous traitez de la question de la privation de sommeil. Oui, enfin de l'épidémie de manque de sommeil, même. On peut parler d'épidémie carrément. Oui. Parce ça a été chiffré, ça. Il y a des instituts qui disent qu'on dort moins qu'avant. Oui. Alors il y a des chercheurs qui disent qu'on dort entre 2 et 3 heures de moins que les gens au 19e siècle. Aussi, pour des raisons essentiellement sociales, parce qu'on a l'électricité partout, que le soir il y a l'électricité, parce qu'aujourd'hui on a des écrans, parce que notre vie sociale fait que on préfère toujours parce qu'on notre écoute famille, les podcasts, la méthode voilà, scientifique. Voilà, ou ces vidéos, au fait de dormir, sans compter effectivement les gens qui ont, pour des raisons professionnelles par exemple, ont des horaires décalés, ou voyagent beaucoup, ils ont du jet lag, enfin tout ça. Et donc une étude allemande notamment, tout à fait récente, sur 65 000 Européens, a montré que les post-jeunes ou les pré-vieux, je ne sais pas comment dire, enfin, bon, entre la tranche d'âge 40-55 ans était vraiment passée en dessous des 7 heures de sommeil par nuit. Voilà. Et ça a une incidence directe sur la santé. Absolument. En tout cas, l'Académie américaine de sommeil dit qu'en dessous de 7 heures, voilà, c'est la porte ouverte au surpoids, au diabète, à l'hypertension, à la dépression, à un mauvais système immunitaire, voilà, et notamment pour des tas de raisons, parce que ça dérègle la pression artérielle, et ça dérègle aussi tout le système de satiété, de ne pas suffisamment dormir. Mais là, on s'est intéressé, enfin, les deux chercheurs allemands que nous avons fait écrire sur ce sujet, ce sont des spécialistes, justement, à l'étude du sommeil, mais plutôt, justement, des performances cognitives liées au manque de sommeil. En fait, ils demandent à des étudiants volontaires également, voilà, de dormir moins de 5 heures par nuit pendant plusieurs nuits d'affilée, 4 nuits, 5 nuits. Et ensuite, ils mesurent leur performance cognitive avec des expériences assez simples, hein, des tests de vigilance. Il faut appuyer sur un bouton à chaque fois que vous voyez passer une horloge sur votre écran. Et ça permet de mesurer de façon assez précise non seulement le temps de réaction, et puis, mais aussi le nombre de fois où on voit même pas l'horloge parce qu'on est fatigué. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, au bout de 4 nuits, les participants ne s'aperçoivent pas qu'ils sont fatigués, enfin que leur performance a vraiment baissé. Or, on peut comparer quelqu'un qui a dormi comme ça 5 heures par nuit pendant 4 nuits, 5 nuits, à quelqu'un qui a 0,6 grammes d'alcool dans le sang par litre. Alors, on sait que ce manque de vigilance a quotidiennement des conséquences terribles dans les accidents de la route, par exemple. Mais citez dans le papier deux événements historiques terribles qui sont liés à un manque de sommeil. Ouais, l'accident de Three Mile Island et puis le naufrage de l'Exxon Valdez. Et une centrale nucléaire d'un côté et un... Et le pétrolier de l'autre, voilà. Et dans les analyses qui ont été faites après de ces accidents, alors ce n'est pas évidemment pas la seule raison, mais ont été mis en cause le manque de sommeil des personnes impliquées dans l'accident. Et puis on sait effectivement que c'est très lié aux accidents de la route et aux accidents du travail, le manque de sommeil. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau quand on manque de sommeil ? C'est lié à une carence en... Alors en fait, on ne sait pas très bien comment ça se passe parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi on dort. Mais ça, peut-être que David Loap pourra rebondir là-dessus, parce que dans mon souvenir, c'est un des chapitres de votre livre. J'avais écrit dessus. Ça, c'est donc on ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'effectivement, si on ne dort pas, il y a plein de conséquences négatives, et on peut même en mourir dans l'insomnie familiale fatale. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Alors, ce qu'on recherche, on se dit que très probablement, le corps sécrète une substance qui, pendant l'éveil, qui, au-delà d'un certain seuil, nous pousse à dormir. Voilà. Et une de ces molécules candidates aujourd'hui pour les chercheurs, c'est l'adénosine, qui est une molécule qui est un produit de la consommation énergétique du cerveau. Donc voilà, c'est une sorte de déchet, si vous voulez, de la consommation énergétique du cerveau, voilà, qui joue sur ce sentiment d'éveil. Alors on nous parle tout le temps de grandes personnalités, comme Napoléon, comme Victor Hugo, qui n'ont pas besoin de dormir, il y en a d'autres évidemment. Pourquoi ils sont moins sensibles à l'adénosine ? Alors, c'est possible. En tout cas, ce que disent les chercheurs, c'est qu'il y a à peu près un tiers des personnes qui sont beaucoup plus résistantes que les autres au manque de sommeil, Il y en a un tiers qui, à l'inverse, sont très, très, très, très sensibles au manque de sommeil. Donc, en fonction du métier que vous faites ou de votre mode de vie, il faut faire attention à ça. Et puis, évidemment, les autres sont au milieu, probablement pour des raisons génétiques. Alors, ça tape directement au porte-monnaie aussi, cette histoire, puisque dans le papier, vous parlez aussi d'une estimation qui a été faite par des chercheurs australiens. Oui. Qui disent que le coût associé aux mauvaises nuits peut être chiffré à hauteur de 45,2 milliards de dollars par an pour leur pays. Oui. Alors, ils ont une façon assez particulière de calculer, mais ça fait quand même réfléchir. Ils ont essayé de calculer, effectivement, tous les coûts liés aux problèmes de santé dont on parlait tout à l'heure, le surpoids, l'hypertension, voilà, plus les accidents de voiture, plus les accidents de travail, plus, voilà. Et ils ont ajouté à ça les coûts non financiers, c'est-à-dire le coût qu'on pourrait qui pourrait calculer, si vous voulez, représenter le mal-être des gens et un manque de sommeil. Donc voilà, donc ils aboutissent à ça, ce qui, pour rapporter à la population française, ferait 103 milliards d'euros. Pas mal. David Louapre, Cécile vous a tendu la perche, alors on ne sait pas pourquoi on dort. Non, c'est vraiment une question fascinante de se dire qu'une activité qu'on pratique à peu près un tiers de notre vie, dans le fond, on ne sait pas vraiment à quoi elle sert. Alors quand on dit qu'on ne sait pas pourquoi on dort, c'est vrai qu'on dort parce qu'on est fatigué, mais la fatigue, c'est un signal que nous envoie notre corps, mais on peut se demander quelle est la raison physiologique qui fait qu'on a besoin de dormir. Et alors il y a plusieurs hypothèses, il y a des hypothèses qui sont assez biochimiques liées au fait que comme notre cerveau va consommer moins d'énergie, il y aura moins de molécules oxydantes et donc ça permettra un peu de récupérer du point de vue chimique. Et puis il y a aussi des hypothèses qui sont liées à la manière dont fonctionne le cerveau et notamment la mémoire. Il y a une hypothèse que je trouve assez intéressante qui dit que le sommeil et notamment les phases de rêve seraient un moyen pour les mammifères en général, hein, pas que les humains, de se jouer des simulations de ce qui se passe dans la journée pour, d'une certaine manière, mieux mémoriser, mieux s'entraîner, et que les phases de rêve seraient une sorte de simulateur de vie que le cerveau mettrait en place pour essayer de s'améliorer même pendant qu'il dort. Et même pour anticiper les dangers. On a fait des expériences comme ça sur des étudiants qui allaient passer des examens. Et bien, ceux qui avaient rêvé qu'ils allaient oublier leur carte d'identité ne l'oubliaient pas. In the night, knock me out, alright. Hang on, hang on, hang on. A soft flash in the night, shot me down, alright. Above my bed, and they took my newlywed. As we're all sleeping dead, hanging on to your sleepy bed. Oh, I'd rather dream instead. We're all sleeping dead, hanging on to your sleepy bed. Oh, I'd rather dream instead. Sleeping Dead par Emily Jane White à 16h34 sur France Culture. On va se réveiller, hein, mais je suis sûr que vous ne dormez pas en écoutant la méthode scientifique. Dans le dernier numéro de La Recherche, Sylvain Guibeau, vous proposez un entretien avec l'astrophysicien Joseph Silk, qui a une idée qui peut paraître extrêmement étonnante. Ouais. Il veut aller sur la face cachée de la Lune, bon, première chose, pour y construire un radiotélescope. Oui. Alors, dit comme ça paraît effectivement de la science-fiction. Mais en fait, oui et non. Alors, de la science-fiction, oui, parce que c'est pas un projet qui est pour demain, et Joseph Silk, qui travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris, on est bien conscient. Mais en même temps, c'est pas de la science-fiction dans le sens où c'est pas un projet qui viole les lois de la physique ou qui serait complètement hors de portée de notre technologie actuelle. Mais au-delà de cette pensée un peu provocative vers l'avenir, Joseph Silk, l'interview qu'on publie de lui en forme de plaidoyer a l'intérêt de susciter l'intérêt au niveau de pourquoi est-ce qu'on ferait ça, c'est-à-dire... Oui, parce que ça a une vraie finalité scientifique. Absolument. Si on va sur la face cachée de la Lune avec ce radiotélescope, c'est pour faire quelque chose. C'est pas juste pour s'amuser à construire quelque chose sur une autre planète que sur la Terre, ou sur un autre astre que sur la Terre, mais ça serait pour effectivement étudier la cosmologie. La cosmologie, donc c'est la spécialité de Joseph Sick et de beaucoup d'astrophysiciens, c'est l'étude de l'univers en tant que lui-même, l'évolution, la formation de l'univers en tant qu'objet lui-même. Et effectivement, aller construire un radiotélescope pour la face cachée de la Lune, selon Joseph Silk, est un moyen de capter des signaux radio en provenance de l'univers très fin qui nous apprendraient des choses justement sur le tout début de l'univers. C'est ça qui paraît fou. Alors il a une expression qui est très belle, qui est celle des âges sombres. C'est une oui. expression scientifique et qui désigne un certain moment dans l'évolution de l'univers. Oui, en fait, alors l'évolution de l'univers, alors, au tout début, on pourrait résumer ça, il y a un Big Bang. Quelque chose, on ne sait pas, ce n'est pas une explosion ou quoi que ce soit, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose qui a créé tout d'un coup un grand nombre de particules. Au tout début de l'univers, il régnait une sorte de soupe de particules dans laquelle les protons, les électrons, les photons, le rayonnement et la matière interagissaient très fortement. Puis, 380 000 ans après cet événement, le Big Bang, s'est produit ce qu'on appelle le rayonnement diffus cosmologique, c'est-à-dire que la lumière s'est séparée de la matière et a commencé à se propager dans l'espace et a laissé derrière elle la matière, du coup, et a formé les protons et les électrons se sont combinés pour former des atomes neutres, les atomes d'hydrogène qu'on connaît aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, la lumière s'est découplée de la matière et du coup, l'univers... il y avait à ce moment-là juste des nuages d'hydrogène, donc, et peut-être aussi un peu d'hélium, des éléments donc très légers, mais il n'y avait pas encore d'étoiles. Donc en fait, l'univers était sombre. Et c'est cette époque-là qu'on appelle les âges sombres de l'univers. Ensuite, plusieurs millions d'années après, ces nuages d'hydrogène, sous leur propre gravité, se sont effondrés sur eux-mêmes et ont formé les étoiles, les galaxies que nous observons aujourd'hui. Là, on commence à appuyer sur l'interrupteur, mais il y a toute cette période où voilà. on ne voit rien, il fait noir. Et ça reste une période très mystérieuse de l'univers, notamment pour la durée, combien de temps elle a duré. Et donc ça pose énormément de questions à la fois pour voilà le début des premières étoiles, puisque la date à laquelle les premières étoiles se seraient allumées influencerait sur beaucoup de paramètres de la cosmologie, c'est-à-dire des ingrédients de l'univers, notamment par exemple combien y a-t-il de matière noire dans l'univers, c'est une grande énigme de l'univers. Alors on a consacré une émission à la matière noire, on va mettre le lien sur le fil conducteur de la méthode scientifique. Et ce qui intéresse Joseph Silk et d'autres astrophysiciens dans ces âges sombres, c'est que ça serait, si on pouvait capter des signaux en provenance de cette période, ça permettrait de faire de la cosmologie, c'est-à-dire d'étudier, avoir un grand nombre d'informations sur tout l'univers, pour ensuite faire des statistiques. C'est ça la cosmologie, c'est récolter un grand nombre de données, faire des statistiques et savoir ensuite pouvoir tester les modèles de formation et d'évolution de l'univers dont on dispose. Aujourd'hui, les meilleures données dont disposent les astrophysiciens pour faire cette étude de cosmologie sont des données qui ont été récoltées par le satellite Planck, donc il y a un satellite de l'Agence spatiale européenne qui a terminé sa mission il y a quelques années seulement, et dont le but était d'imager le rayonnement cosmologique dont je vous parlais tout à l'heure. Ces photons qui sont découplés de la matière et qui sont propagés. Planck en a fait une carte très précise, une carte vraiment de l'ensemble du ciel. Planck était un satellite qui a vraiment tourné sur lui-même pour faire des images de la voûte céleste dans son entier, avec 1 million de pixels de résolution. Et cette carte, c'est l'image qu'on connaît bien là, c'est qu'il y a une forme d'œuf de Pâques là. Voilà, c'est cette forme d'œuf de Pâques et en fait une projection de l'ensemble de la sphère céleste en forme d'œuf de Pâques, si vous voulez, avec tout cet aspect pointilliste alors qu'on voit souvent en jaune, vert, bleu, qui en fait ces différentes couleurs représentent les fluctuations de température qu'il y avait dans ce rayonnement à cette époque. Et justement, en faisant ce que je vous disais, des statistiques sur ce million de pixels récoltés par Planck, les physiciens sont capables de faire de la cosmologie, c'est-à-dire de dire, voilà quels sont les paramètres qui décrivent notre univers. Mais alors pourquoi, pour faire cela, ont-ils besoin d'aller sur la Lune et sur la face cachée de la Lune ? Parce que si on veut faire plus précis que Planck, qui avait donc un million de pixels, Joseph Silk nous dit que pour tester encore mieux nos scénarios de naissance de l'univers, il faudrait une précision encore 1000 fois supérieure à celle de Planck. Comment fait-on ? C'est pas possible de refaire un satellite plus perfectionné que Planck, 1000 fois plus précis. Donc Joseph Silk dit il faut trouver d'autres sources d'informations. Évidemment, si on veut tester le début de l'univers, on pourrait se dire, il faut vraiment aller regarder à la source, voir le plus loin possible dans l'espace, ce qui revient à aller le plus loin possible dans le temps, pour voir ce qui se passerait au tout début du Big Bang. Le problème, c'est que le fond diffus cosmologique, pour le dire vite, agit comme une sorte de brouillard, et très difficile de capter des signaux qui remontent avant ces 380 000 ans après le Big Bang. Et donc, Joseph Six se dit, regardons la période juste après l'émission du fond du rayonnement cosmologique, les âges sombres, où il y a ces immenses nuages d'hydrogène. Et son raisonnement, c'est selon lui, il y a tellement de nuages d'hydrogène à ces époques-là, il y aurait tellement de nuages d'hydrogène à ces époques-là, qu'en les détectant, donc qui nécessitent de construire un radiotélescope sur la face cachée de la Lune pour détecter le fin rayonnement radio qui permettrait de détecter ces nuages d'hydrogène, et en les détectant, en les comptant, et en faisant des statistiques sur ces millions de nuages d'hydrogène, on arriverait à avoir des précisions 1000 fois supérieures à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et voilà, et c'est tout l'intérêt de ce projet, puisque pour détecter ce rayonnement émis par ces nuages d'hydrogène, l'hydrogène a un rayonnement caractéristique, une longueur d'onde d'émission de photons ou d'absorption, qui a une longueur d'onde de 21 cm. Comme ces rayonnements ont été émis il y a très très très longtemps, aux âges sombres, il y a plusieurs milliards d'années, avec l'expansion de l'univers, au fur et à mesure que ce rayonnement se propage dans l'univers, sa longueur d'onde augmente. Et aujourd'hui, sur Terre, ça voudrait que le rayonnement qu'on voudrait capter aurait une longueur d'onde de 10 mètres, ce qui correspond à des fréquences radio de très basse fréquence, 30 MHz environ. Or, sur Terre, c'est très difficile de capter ces signaux de très basse fréquence. Pourquoi ? À cause de l'atmosphère qui fait bouclier ? Alors, l'atmosphère en particulier et la ionosphère. Alors, ce n'est pas que les rayonnements basse fréquence peuvent traverser la ionosphère, l'atmosphère. Donc la ionosphère, c'est vraiment une des couches de l'atmosphère. Le problème, c'est qu'elle rend ce rayonnement très instable. Une fois qu'il traverse la ionosphère, c'est très instable. La ionosphère est en partie responsable des interférences que les auditeurs peuvent parfois avoir avec leur poste de radio. Et ce manque de stabilité gêne les scientifiques s'ils veulent capter ces basses fréquences. Et en particulier, ça les gênerait si on voudrait faire des grands relevés, comme ça serait l'objectif de Joseph Silk sur toute la voûte. D'accord, donc ça serait trop compliqué de voir ça depuis la Terre, c'est pour ça qu'il faut aller ailleurs. Une dernière question sur ce sujet, c'est au niveau de la techno. Est-ce qu'on saurait fabriquer ce radiotélescope ? Vous dites quelque chose de très surprenant dans le papier de la recherche, c'est que finalement on sait le faire depuis très longtemps et l'utiliser pour autre chose. Oui, en fait, très longtemps. Oui, les radiotélescopes, finalement, ce sont, entre guillemets, simplement des antennes de métal, donc des tiges de métal, dont on en répand une grande quantité sur une grande surface, et en synchronisant tous les signaux qu'on reçoit de ces antennes, on peut avoir des résultats de très grande sensibilité. Donc c'est les antennes qu'on utilisait pour les télés. Voilà, l'idée ça serait de faire ces antennes sur un film plastique qu'un petit rover sur la Lune pourrait déposer sur un cratère et ensuite capter ces signaux. Bien sûr, la difficulté technique est de synchroniser ces signaux, de les renvoyer sur la Terre, de les traiter. Et donc ça, c'est vraiment une histoire à très long terme. La méthode scientifique, Olivier Lascar. On a commencé avec les faux souvenirs façon Total Recall. Là, on est dans l'IA, la Terminator, puisque David Loire, vous allez nous parler d'algorithmes d'intelligence artificielle qui arrivent à travailler en réseau. et qui arrive surtout à apprendre tout seul. C'est une des choses qui se développe beaucoup ces derniers mois, ces dernières années, c'est que les progrès récents qui ont été faits en matière d'intelligence artificielle et tous ces algorithmes qui sont capables, par exemple, de faire de la reconnaissance d'images, fonctionnent de façon qu'on appelle supervisée, c'est-à-dire qu'ils apprennent sur la base d'exemples. On leur fournit des exemples et au bout d'un moment, ils arrivent à eux-mêmes reconnaître, par exemple, ce qu'il y a sur une image. Et c'est le genre de choses qu'on a ensuite essayé depuis déjà pas mal de temps d'appliquer au domaine des jeux, parce qu'en fait, le domaine des jeux, c'est un très bon moyen d'essayer de, en quelque sorte, comparer un peu l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Oui, c'est surprenant de voir que de tests d'application en application, on veut toujours les faire jouer, ces programmes d'intelligence artificielle. Le jeu de Go, vous allez parler des échecs, hein. Pourquoi ouais, voilà. Les faire jouer tout le temps? Ça a été apparu très tôt comme vraiment un moyen de mesurer la puissance d'une intelligence artificielle, parce qu'on la compare directement à ce qu'on connaît, qui est notre intelligence humaine. On fait jouer une intelligence artificielle aux échecs contre un humain, et on voit ce qui se passe. Et donc, il y a eu des progrès qui ont été faits, notamment il y a 2 ans, sur le domaine du jeu de Go, qui était considéré comme beaucoup plus compliqué que les échecs. Hein. On est 20 ans après la victoire de Deep Blue sur Kasparov, où une intelligence artificielle de Google, hein, de DeepMind, a battu le meilleur joueur du monde, hein, Lee Sedol. Et ça, c'était une intelligence artificielle qui avait été entraînée sur la base d'exemples. C'est-à-dire qu'on lui avait donné des données concernant, je crois, 30 millions de coups qui avaient été joués par des grands maîtres du Go. Et donc, l'intelligence artificielle a analysé ces centaines de milliers de parties contenant des millions de coups. Et puis, à la fin, en quelque sorte, ça avait joué au Go, au niveau de battre le meilleur joueur du monde. Alors, on pourrait dire, bon, ok, très bien, mais finalement, c'est une intelligence artificielle qui n'a fait que imiter le savoir des grands maîtres du Go. Et donc, le deuxième pas qui a été franchi par DeepMind ces derniers temps, et donc la publication est sortie il y a quelques jours dans Science, c'est d'avoir fait maintenant une version de cet algorithme qui n'apprend pas en regardant des exemples, mais qui apprend tout seul en jouant contre elle-même. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Donc faut imaginer, hein, au départ l'algorithme, on lui donne juste les règles du jeu. Au départ l'algorithme est très mauvais, et puis il joue contre lui-même, puis à force de jouer contre lui-même, découvre des stratégies gagnantes. Et puis au bout de, je crois, quelque chose comme quelques centaines de milliers de parties, c'est beaucoup mieux joué qu'au départ. Donc on parle plus du tout de l'ancien logiciel qui s'appelait, de l'ancien algorithme qui s'appelait AlphaGo. Là c'est AlphaZero. Voilà, pour dire qu'il part de rien. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à faire, cet AlphaZero ? Alors, il est arrivé à faire deux choses qui sont fascinantes. La première, c'est que sur le cas spécifique du jeu de Go, AlphaZero est beaucoup, beaucoup plus puissant que AlphaGo. Il y a une partie qui a été organisée entre AlphaZero et AlphaGo, qui est la version d'AlphaGo qui a battu Lee Sedol. Ils ont joué 100 parties et AlphaZero les a toutes gagnées. Donc 100-0 contre l'algorithme qui avait déjà battu le champion du monde. Et la deuxième chose qui est fascinante et qui est vraiment l'objet du papier sorti par DeepMind, c'est que finalement ils ont réussi à mettre au point un algorithme suffisamment générique qui peut aussi bien apprendre à jouer au Go qu'aux échecs qu'à un autre jeu, donc qui s'appelle le Shogi, qui est une variante, qui est un jeu japonais qu'on pourrait comparer aux échecs. Et donc ils ont mis au point un algorithme, mais c'est vraiment le même algorithme. Si on lui donne les règles du jeu du Go, il devient champion de Go. Si on lui donne les règles du jeu d'échecs, il devient champion d'échecs. Donc ça a été vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Et ça a donné des résultats aussi fascinants. C'est-à-dire que la version qui s'est entraînée elle-même pour jouer aux échecs, ils l'ont opposé au meilleur programme d'échecs du monde, qui lui déjà est très très au-dessus du champion du monde. Alors ça a été un peu moins spectaculaire que ce qui avait été annoncé au début. Ils ont joué 1000 parties. AlphaZero en a perdu 6, je crois, en a gagné une centaine. Et il y a eu beaucoup de matchs nuls, ce qui montre qu'on est quand même aussi, on arrive un peu aux limites de ces techniques-là. C'est-à-dire que sur les échecs, les programmes deviennent quasi imbattables, arrivent presque toujours à faire match nul. Vous expliquez qu'AlphaZero s'est entraîné contre lui-même. On a chiffré le temps d'apprentissage contre lui-même, de jeu par jeu. Oui, alors c'est à chaque fois, ça a été vraiment l'idée de leur papier, ça a été de dire c'est vraiment exactement le même algorithme qu'on fait jouer aux trois jeux. Donc à chaque fois, ça a été 700 000 parties, je crois. Alors ça a été beaucoup plus vite sur les échecs, ça a été de l'ordre de quelques heures, parce que les parties vont plus vite à jouer dans l'ordinateur. Et pour le Go, ça a été 13 jours, je crois. Mais voilà, au bout de quelques heures, on avait déjà un algorithme qui, en jouant contre lui-même, était très très fort. Mais cet AlphaZero, il a un as dans sa manche, il a un avantage particulier qui lui confère cette rapidité. Alors il est beaucoup plus pertinent dans les choses qu'il essaye d'examiner. C'est-à-dire que un programme comme, par exemple, le meilleur programme d'échecs à part AlphaZero qui s'appelle Stockfish, examine à chaque seconde 60 millions de coups possibles. Là où AlphaZero en examine 1000 fois moins, c'est-à-dire seulement 60 000. C'est-à-dire que AlphaZero, en fait, en s'étant entraîné, devient beaucoup plus pertinent et n'examine que vraiment les coups très prometteurs, au point qu'il arrive à examiner 1000 fois moins de coups que l'autre. Et là où, finalement, des programmes d'échecs, et on peut penser au cas de Deep Blue, qui était surtout une très grosse machine de calcul avec un algorithme pas forcément extrêmement intelligent, là on a vraiment une très grande pertinence de l'algorithme qui arrive vraiment à faire les bons choix. Finalement, on démontre là la puissance de l'apprentissage par renforcement par rapport à l'apprentissage supervisé. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément mieux ? Est-ce que c'est vers là qu'il faut aller ? Alors, l'avantage de l'apprentissage par renforcement, c'est qu'il n'a pas besoin de données initiales. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette immense base de données de tous les grands coups des maîtres du Go, AlphaGo, dans sa version initiale, n'aurait pas pu être fait. L'avantage de l'apprentissage par renforcement, c'est que du coup, il n'a pas besoin de données initiales. Alors, ça ne marche pas non plus sur tous les problèmes. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes qui sont assez intéressants pour l'apprentissage par renforcement. C'est de faire jouer ces algorithmes à des jeux vidéo. Alors, c'est ce qu'avait fait DeepMind avant cette publication de Science, qui est toute récente. Ils l'ont fait affronter des vieilles consoles Atari. C'est ça. Donc pour les moins de 40 ans, les vieilles consoles Atari, c'est celles qu'on voit dans Ready Player One. Et donc c'est pareil, c'est devenu une sorte un peu de benchmark pour les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc Google, il y a quelques années, avait entraîné son algorithme d'apprentissage par renforcement à jouer à ces jeux Atari, et vraiment d'une manière très très brute. C'est-à-dire que l'algorithme n'avait accès qu'au contrôle de la console et à l'image sur l'écran. C'est-à-dire qu'on lui disait même pas de quel jeu il s'agissait, on lui donnait vraiment juste le flux de pixels qui arrivaient de l'écran. Et ce qui était assez fascinant, c'est qu'ils ont fait jouer à une cinquantaine de jeux, et il y a des jeux pour lesquels ça fonctionnait très très bien, et d'autres pas du tout. Alors justement, on va entendre une petite musique de jeu vidéo, et vous allez réagir à son propos. Alors vous la reconnaissez, cette musique, David Loire? C'est peut-être Pac-Man, non? Non, c'est justement ce jeu sur lequel DeepMind s'est cassé les dents. Ah, donc c'est Montezuma. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Montezuma, qui fait que l'intelligence artificielle n'a rien pu dans un premier temps contre lui? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des jeux sur lesquels l'intelligence artificielle de DeepMind a très bien fonctionné. Alors sur Montezuma, dans la publi donc qui date d'il y a quelques années, le meilleur score que l'intelligence artificielle ait fait, c'est 0. Donc en fait, l'algorithme de Google n'y arrivait pas du tout. Et une des raisons, c'est que le principe de l'apprentissage par renforcement, c'est qu'il faut donner une récompense à l'algorithme pour lui dire tu es sur la bonne voie. Donc quand, par exemple, un algorithme joue aux échecs, à la fin de la partie, il sait s'il a gagné ou pas, donc il a une récompense, et donc il peut se baser sur cette récompense pour essayer de progresser. Certains jeux où on marque très souvent des points, ça veut dire qu'on a souvent des récompenses, par exemple un jeu de flipper, donc ça l'algorithme de DeepMind y arrive très bien. Par contre, Montezuma, c'est un jeu où la récompense est très rare, c'est-à-dire que pour arriver à commencer à marquer des points et même à ne pas en perdre, il faut faire une série d'actions assez compliquées. C'est quoi l'argument de ce jeu? C'est une quête à la Zelda? C'est une sorte de quête où on passe dans plusieurs salles, et puis il faut faire des actions assez compliquées comme ramasser des clés, ouvrir des portes, éviter des pièges pour commencer à marquer ses premiers points. Et donc ça, les algorithmes d'apprentissage par renforcement n'y arrivent pas du tout, parce qu'eux, ils ont besoin de récompenses fréquentes pour être capables de progresser. Depuis, le verrou a sauté. Alors voilà, très récemment, alors ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, comme c'est sur ce jeu que DeepMind s'est cassé les dents, c'est sur ce jeu que tous les autres essayent de se tirer la bourre pour essayer de montrer qui est le meilleur. Et donc, il n'y a pas très longtemps, il y a l'équipe d'intelligence artificielle de Uber, donc il y a quelques jours, qui a sorti des résultats pour montrer que justement, ils avaient réussi à faire une intelligence artificielle qui fonctionne par renforcement et qui, pour le coup, arrive à faire des scores qui sont meilleurs que les humains à ce jeu. Et ce qui est assez intéressant, et ça nous rapproche un peu des discussions qu'on avait sur le cerveau tout à l'heure, c'est que le principe de cet algorithme, c'est qu'il a une forme de curiosité. C'est-à-dire qu'il ne se récompense pas seulement par le fait de marquer des points, parce que de toute façon, il ne va pas souvent marquer des points, mais il se satisfait, en quelque sorte, d'arriver à explorer le monde et à découvrir des choses nouvelles. Il a une forme de motivation intrinsèque, et nous, les humains, on est pareil, on ne fonctionne pas que à la motivation par l'argent, par exemple. Des fois, le plaisir est une excellente motivation. Et donc, cet algorithme a une forme de motivation intrinsèque qui le pousse à explorer, et c'est ça qui lui permet de franchir le pas et d'arriver à marquer ses premiers points et de, in fine, arriver à apprendre à jouer à ce jeu et à réaliser des performances qui sont aujourd'hui les meilleures qu'on ait eues pour un algorithme sur ce jeu et meilleures que les humains. Alors, je disais tout à l'heure que dans le cadre de ces compétitions face aux jeux vidéo, il y a eu un exemple d'une mise en réseau de l'intelligence artificielle. Il y a 5 programmes d'IA qui ont travaillé ensemble pour affronter des humains à un jeu qui s'appelle Dota 2. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre type de jeu. Donc c'est des jeux de compétition entre deux équipes, où là, on joue à 5 contre 5. Et c'est des jeux qui sont extrêmement difficiles pour une l'intelligence artificielle parce qu'à la fois il y a une forme de dextérité, c'est-à-dire qu'il faut être capable de bouger, aller trouver un ennemi, le tuer souvent, etc. Et il y a aussi une forme de coordination d'équipe, c'est-à-dire que c'est un jeu d'équipe, donc il faut être capable de se coordonner. Et donc c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à apprendre pour une intelligence artificielle. Et donc le jeu qui sert de test sur cette situation-là, donc c'est un jeu qui s'appelle Dota 2, qui est un jeu donc on s'affronte à deux équipes de 5. Et cette fois c'est OpenAI, donc qui est une plateforme open source qui a été financée par Elon Musk. Décidément, Elon Musk, voilà. Il ne peut pas échapper à Elon Musk. Bon. Il est partout. Et qui a réussi à mettre au point donc une IA qui, dans un affrontement entre une équipe de 5 IA et 5 joueurs humains, a réussi à les battre. Donc c'était quelque chose d'assez spectaculaire parce que voilà, c'est un type de jeu qui est vraiment très très difficile pour une intelligence artificielle. Alors je crois que récemment, au mois d'août, il y a eu un match entre vraiment des joueurs très bons à ce jeu et les IA, et cette fois les IA ont perdu. Alors, mais c'est probablement juste une question de temps avant que les IA finissent par rattraper le coup et battent les meilleurs joueurs humains. Mais c'est quand même un des premiers exemples d'une mise en réseau de l'intelligence artificielle, non ? Alors, il y a eu un autre exemple qui était, je crois, encore le fait de DeepMind, qui était sur un jeu qui s'appelle Quake 3, où là, c'était peut-être des équipes de 2 ou 3, où effectivement, on voyait les IA qui commençaient à être capables de former des stratégies entre elles, ce qui était quand même assez fascinant. Bon, alors, vous dites, David Louapre, que l'intelligence artificielle ne battra pas très rapidement les gamers aux jeux vidéo. Ils peuvent souffler. On va bientôt arriver à la fin de cette émission. J'aimerais, avant ça, faire un tour de table pour que vous puissiez évoquer des sujets soit passés, soit à venir qui vous tiennent à cœur. Cécile Lestienne, vous vouliez évoquer un autre papier qui est dans le Pour la Science. Oui, je voulais évoquer... Alors, c'est un papier très particulier. Voilà, hein. Je voulais écouter un sujet que je ne voulais pas développer cet après-midi parce que à cette heure-là, il y a peut-être de jeunes oreilles qui nous écoutent, mais dans le numéro de décembre donc de Pour la Science ou sur le site internet hein, pourlascience.fr, nous avons publié un article qui a fait déjà beaucoup de buzz, article d'un historien Anton Serdezny, excusez-moi, voilà, qui explique pourquoi au XVIIIe siècle les médecins, les savants, enfin l'élite intellectuelle de l'époque croyait dur comme fer que pour réanimer les morts par noyade, on pouvait le faire en leur insufflant de la fumée de tabac par l'anus. Ah ben ça, c'est de la fake med, alors. Hein. Et il y avait des raisons, effectivement, à cette croyance très répandue. Les noyés étaient très courants au XVIIIe siècle, parce que très peu de gens savaient nager et on prenait beaucoup le bateau. David Louapre, un sujet à évoquer ? Je vais encore parler d'intelligence artificielle. Alors, il y a eu l'annonce il y a quelques jours des résultats d'une autre compétition d'intelligence artificielle, pas sur le jeu cette fois, mais avec une application scientifique qui est le problème du repliement des protéines, parce que c'est un problème très important de comprendre comment les protéines acquièrent leur forme et où on utilise des intelligences artificielles. Et il y a eu donc le résultat de la compétition qui a d'ailleurs été gagné par DeepMind par une assez large avance. Et les résultats, enfin le papier n'est pas encore sorti. Donc on ne connaît pas les détails de comment ils ont fait et je suis assez curieux de voir ça et de voir ce que ça nous apprend sur ce problème du repliement des protéines. On sait quelle revue a publié ça, non ? Je ne suis pas sûr qu'ils aient annoncé la revue. Sylvain Guibaud, un événement passé, à venir ? Ah oui, à venir, moi je vais rester la tête dans la Lune, Olivier. Vous savez que la semaine dernière, il y a une fusée chinoise qui a décollé vers la Lune, en direction de la Lune, c'est la sonde Chang'e 4. Ce n'est pas la première mission chinoise vers la Lune, mais cette année, ils vont déposer un rover justement sur la face cachée de la Lune, donc la face qui ne montre jamais son visage à la Terre. Et ça sera à suivre fin de l'année, début 2019. Voilà, il y a très peu d'informations qui filtrent, mais a priori le lancement s'est bien passé et la sonde va rentrer en orbite lunaire. Bon, c'est un sujet à n'en pas douter sur lequel on aura l'occasion de revenir dans la méthode scientifique. Cécile Lestienne, pour finir, la couverture du dernier Pour la Science. Mémoire et sommeil, comment dormir renforce les souvenirs. Sylvain Guibaud, la une du dernier La Recherche, magazine La Recherche. Les nouvelles armes contre le cancer. David Louapre, votre dernière vidéo sur votre chaîne. La dernière, elle l'a dit il y a longtemps, mais je peux parler de la prochaine qui parlera d'intelligence artificielle à nouveau et de créativité. Merci à l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfrance, Céline Lausanne et Tom Amdonstock, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique Jordan Fuentes. La semaine prochaine, lundi, ça sera Cro-Magnon, mardi, les Exolunes, mercredi, l'architecture connectée, jeudi, nous parlerons de Louxor, des artistes de Louxor, et vendredi, nous fêterons René Barjavel, l'auteur de ce classique de la SF qui est La nuit des temps, demain à SF, la conversation scientifique d'Étienne Klein. Et nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.